salaamaaleykum sama gars yi. maaleykum salaam salaam mbokk. léebon lippoon amoon na fi daan na am daan na am bi ma amee yéen a fekkee. yaa wax yaa mi wax mi dégg dégg wax tey jartagam de seet seet yàlla yàlla bisimilah. Kon kii daal benn élève la woon, élève bi Modou la tudd, mais boy bi dafa tayal a tayal a tayal tayal tellement. Boy bi nag benn jour ñëw benn lundi matin tin boy bi weekendam neex quoi, xam nga mu nelaw nelaw yu neex ñëw classe. Prof yi ne tey moom da ngeen di dessiné benn légume, légume bu leen neex, fekk lég Modou mi ngi doon nelaw. Non du woon man nag sama benn boy la bu ma xamoon quoi. Modou prof yi ne pour gars yi dessiné légume, gars yi di dessiné ay carotte ay pomme de terre. Modou daal yow si ay nelaw camaradam yeekare ne ko Modou prof yi dessiné la wax benn légume. Modou yeewu rek jël crayon bi bind def benn tomb si feu rek te daal yeggali nelaw. Prof yi di wër wër yi ba ñëw ba yegsi si Modou, ñëw ne ko mais Modou Modou wetuma dessin mu ne ko c' est ça, mu ne ko mais Modou lii lan la, lii benn point bu ñu rek, mu ne ko c' est du poivre monsieur.